Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité. Alors aujourd'hui, on parle du milieu communautaire, de l'importance du milieu communautaire en fait pour la naissance, autour de la naissance. Nous avons deux invités avec nous en studio. Aussi, à la fin de l'émission, nous avons une chronique internationale sur la Polynésie française et nous finissons comme d'habitude avec nos actualités. Alors, bonjour à nos deux invités. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Et bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, tout d'abord, Geneviève Lavallée, vous êtes une personne ressource en allaitement. Vous êtes impliquée dans le comité de parents de Mimosa, une maison de naissance à Québec, et vous êtes impliquée dans le groupe Maman. Effectivement, ça peut paraître beaucoup, mais une chose en attire une autre. En devenant enceinte en 1997, je me suis rendue à la maison de naissance pour mon premier suivi et j'ai vu qu'il y avait une annonce du groupe Maman pour une rencontre de soir pour discuter entre mamans. Alors, ça m'a attiré ma curiosité. Je me suis rendue à cette rencontre et je suis devenue membre immédiatement du groupe Maman. Par la suite, peut-être un an ou deux plus tard, j'ai commencé mon implication dans le comité de parents Mimosa parce que j'avais tellement aimé mon suivi de grossesse que j'ai désiré poursuivre pour faire connaître les services à toutes et tous. Donc, je suis devenue membre du comité de parents. Et de fil en aiguille, je suis devenue également personne ressource pour Allaitement Québec parce que j'avais reçu de l'aide, moi, pour allaiter mes enfants et que je trouvais ça important que les femmes aient le choix et apprennent que même si c'était naturel, ça pouvait être difficile parfois. Oui. Est-ce que, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que le groupe Maman? Le groupe Maman signifie « Mouvement pour l'autonomie dans la maternité et pour l'accouchement naturel ». Ça a été fondé en 1996 par mesdames Carole Cardinal et Lisanne Grégoire, qui étaient toutes deux des femmes ayant un suivi à la maison de naissance Côte-des-Neiges. Maintenant, c'est un regroupement de femmes, d'hommes. Maman ne veut pas dire nécessairement que c'est seulement pour les mamans, mais ce sont tous des membres bénévoles et puis ils ne reçoivent aucune subvention. C'est un regroupement qui est aussi affilié à Regroupement Naissance-Renaissance. Puis je dirais que nous, au comité de parents Mimosa, on partage à peu près la même philosophie que le groupe Maman, les mêmes intentions. C'est-à-dire faire connaître les services sages-femmes, faire reconnaître à la population que la naissance, c'est un acte naturel, la grossesse, c'est naturel. Alors, c'est ça. Vous avez parlé du groupe Naissance-Renaissance. Pouvez-vous nous dire un peu, c'est quoi, juste sans décrire le groupe Naissance-Renaissance, c'est quoi la différence des deux groupes? Le regroupement Naissance-Renaissance, si je ne m'abuse, est un regroupement plus politique. Donc, ils vont faire des actions au niveau du gouvernement. Tandis que le groupe Maman va aussi faire des actions, mais c'est du côté communautaire. C'est ça, en gros. Est-ce que vous savez s'il y a des membres à travers le Québec ou si dans des régions particulières qu'il y a des membres du groupe Maman? Pour le groupe Maman, c'est à travers le Québec. C'est provincial. On peut être membre, c'est ça, avec une petite cotisation une fois par année. On peut, à ce moment-là, recevoir le Mamanzine qui est publié, qui est un journal, un bulletin d'information. Ensuite de ça, il y a une infolettre qu'on reçoit par courriel qui nous indique les conseils d'administration, les événements spéciaux que le groupe organise. Il y a la Maman Liste qui est sur Internet, qui, elle, est ouverte à tous et toutes, donc pas besoin d'être membre du groupe Maman pour y adhérer. Depuis 1999 qu'elle est en ligne et il y a maintenant 191 personnes qui sont inscrites sur la Maman Liste. Ça, c'est à travers le monde. C'est une espèce de forum, la Maman Liste, c'est exactement. Ça? Exactement. C'est un groupe de discussion Internet sur tout ce qui touche la périnatalité. Est-ce qu'il y a des professionnels qui sont sur cette liste-là, qui aident à répondre aux questions? Oui, effectivement. Il y a plusieurs personnes ressources en allaitement, des sages-femmes, des mamans, des papas. Il y a un peu de tout. Dans le fond, pour un peu, j'imagine, aller chercher des expériences qui se ressemblent aussi. Oui. Le but est toujours de transmettre, d'informer les gens, puis de transmettre en toute simplicité également les expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives. D'accord. Les gens qui s'impliquent dans le groupement, quels vont être leurs rôles? Quel rôle on peut jouer au sein du groupe? Comme c'est un groupe bénévole, chacune offre le temps et l'énergie qu'elle a. C'est bien important de respecter ça. Une fois par année, il y a un conseil d'administration, il y a un CA, il y a un AGA, et puis chacune offre ses services comme elle le sent. Qui peut être présent à l'AG? Tout le monde peut se présenter à l'AG. Mais tous les membres ou tout le monde qui est parent ou pro? Tout le monde peut se présenter à l'AGA, sauf que, évidemment, pour le droit de vote sur certaines choses, il faut être membre pour pouvoir voter. Membre du groupe. Comment fait-on pour être membre du groupe? C'est simple. Vous allez sur le groupe Maman, qui est l'adresse Internet, groupemaman.org. Et puis, vous cherchez le lien pour vous inscrire. C'est très, très facile. De s'inscrire, combien ça coûte pour s'inscrire? Présentement, c'est 9 $. Mais je sais qu'on a parlé justement en AGA dernièrement d'augmenter légèrement les coûts parce que le mamanzine coûte cher à envoyer par la poste et puis il y a des frais de toutes sortes reliés au bénévolat. Alors, pour que le groupe soit viable, on pense qu'après une dizaine ou une quinzaine d'années où le prix n'a pas augmenté, c'était temps de monter. Alors, je sais que ça va monter prochainement, là, mais ça sera pas très élevé. De façon raisonnable. On s'entend. Vous avez parlé brièvement de la philosophie du groupe Maman. Qu'est-ce qui fait que ce groupe-là se distingue? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs acteurs communautaires en périnatalité. Il y a des maisons de famille. Il y a aussi des comités de parents dans les maisons de naissance. Qu'est-ce qui fait la particularité du groupe Maman? Mais la philosophie du groupe Maman, c'est pour promouvoir le processus naturel de la naissance et de la grossesse. Comme expérience appartenant avant tout aux femmes et aux familles. Donc, on dit que la femme est le maître d'œuvre de son accouchement, puis on encourage celle-ci à se prendre en charge et non à être prise en charge par le système. On promouvoit que chacune des personnes a des compétences et des forces en elle, et si elle est soutenue et encouragée, elle va être capable de mener à terme tout au long de sa grossesse, la préparation à la naissance de son enfant. Je crois que c'est une philosophie qui rejoint beaucoup aussi la philosophie des sages-femmes. Est-ce que vous pouvez nous décrire les actions, des exemples d'actions que vous pouvez poser en tant que groupe pour aider les familles à aller vers cet objectif de... Bien, ça m'amène à vous parler de deux publications qui ont été faites par le groupe Maman qui sont aux éditions du Remue-Ménage. C'est Au cœur de la naissance, qui est un recueil de témoignages et de réflexions sur l'accouchement pour encourager les femmes, que ce soit dans des expériences agréables ou moins agréables. Dans ça, tu as des expériences de naissance à domicile, des expériences de naissance en maison de naissance et à l'hôpital. Ensuite de ça, il y a le livre « Près du cœur », qui vient tout juste de sortir, il est encore tout chaud, qui est un recueil de témoignages et de réflexions sur l'allaitement. Celui-ci présente également des informations sur des relations d'allaitement entre maman et bébé qui ont bien fonctionné et d'autres qui ont moins bien fonctionné. Alors, le groupe Maman trouve que ce sont deux outils qui encouragent la prise en charge des femmes par elles-mêmes et non par un système. Et puis, ça leur prouve que c'est possible. C'est pas nécessairement facile, d'avoir mais des c'est possible. Exemples, des choses qui se rapprochent de leur expérience, de pouvoir lire aussi pour l'avoir lu, parce que c'est un livre qu'on a à lire dans notre première année au bac. Des expériences dont on n'en a pas toujours parlé souvent, qui sont pas nécessairement celles qui vont être les nôtres. Il y a des expériences assez particulières pour avoir lu le premier, les expériences d'accouchement au cœur de la naissance. C'est pas des choses qui se rencontrent souvent, mais justement, c'est une façon, je crois, vous êtes d'accord avec moi, de mettre ça au devant de nos conventions. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a eu beaucoup de commentaires suite au premier volume, nous disant que plusieurs femmes avaient changé d'idée, ça leur avait ouvert des horizons, elles savaient pas que ça se pouvait, et puis ça leur a permis d'arriver à bon port. ça m'amène à introduire Marie-Pierre. Marie-Pierre Paquin-Boutin, vous êtes une maman impliquée dans le comité de parents de la maison de naissance de La Rivière, autrement c'est appelé la maison de naissance de Nicolet. Oui. Pour suivre avec la même idée, vous nous partagez tout à l'heure que cette lecture de ce livre-là a changé un peu votre vision et a eu un impact sur ce que vous vouliez pour votre accouchement. Est-ce que vous pourriez nous en parler d'abord de... Bien, en fait, j'avais déjà commencé le suivi à la maison de naissance, à Nicolette. Et puis, après la deuxième ou troisième rencontre, ma sage-femme nous a suggéré à mon conjoint et moi de faire quelques lectures, dont le livre de « Au cœur de la naissance ». Puis, donc, je suis plongée là-dedans. Ça a été l'occasion de découvrir justement des récits de témoignages, des récits de naissance plutôt, qui sont différents de ce qu'on entend habituellement, là. Donc, pas nécessairement des histoires d'horreur ou qui ressemblent à la télé ou à la télévision, là. Donc, mais des belles histoires d'accouchement. Puis, personnellement, moi, ça m'a mis en confiance avec l'accouchement, là, qui s'en venait. Et puis, donc, c'est pour ça que ça a un peu changé, là. Ça m'a beaucoup rassurée avec la naissance. Le fait de lire ces histoires qui étaient différentes de ce qu'on attendait? Qui étaient différentes, qui étaient belles, qui se passaient bien aussi, là. C'est pas juste des histoires... toujours juste un dénouement heureux, là, mais de voir que les femmes allaient chercher quelque chose de plus. C'est pas juste un acte physique, là, il y a quelque chose de plus, puis on en retire une expérience riche, là. Est-ce que au terme de votre accouchement, ensuite, vous avez reconnu que ça vous a fait vivre un accouchement différent que d'avoir lu ça avant? Ben personnellement, oui. Ça peut... chaque femme est touchée différemment, là. Mais moi, j'ai senti vraiment un impact, là, avec la lecture de ce recueil-là. Là. C'est très intéressant, merci. On voudrait savoir un peu plus... vous êtes impliquée dans votre comité de parents. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y impliquer? Mais en fait, pendant les rencontres prénatales, il y a des femmes du comité qui sont venues présenter le comité de parents de la maison naissance de La Rivière. Et puis, sur le coup, j'ai pas vraiment cliqué. Là, j'étais vraiment dans le processus de suivi de grossesse. Là. Mais après la naissance, de retour à la maison, j'avais été vraiment marquée par mon expérience. Puis j'avais envie de rester en contact avec la maison de naissance puis de m'impliquer bénévolement. Donc là, j'ai contacté le comité de parents. Et puis, là, c'est là que j'en fais partie depuis le printemps, en fait. Là. Et puis, d'accord. Et puis, ce comité de parents-là, à quoi sert-il? Ben en fait, ça a été créé pour rappeler brièvement l'historique là. Ça a été créé au printemps 2005 en fait à l'initiative d'une maman qui avait fait son suivi de grossesse là-bas, Lynn Bernatchez, et elle voulait elle aussi rester impliquée, avoir une sorte de continuité avec la maison de naissance après la naissance de son premier enfant. Et puis elle a écrit une lettre à la responsable sage-femme pour démarrer un comité parce qu'elle savait qu'il y en avait dans d'autres maisons de naissance. Et puis, c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils ont été mis en contact, là, quelques femmes. Ils ont démarré des activités. D'abord par un pique-nique qui est devenu une tradition. Depuis 2005, chaque été, il y a un pique-nique qui est organisé. Et d'autres activités, là, des conférences, une fête à Noël aussi pour les enfants qui sont nés dans l'année. Alors, ces rassemblements-là, ça va en fait rassembler ceux qui ont vécu l'expérience à cette maison de naissance-là? Oui, là, c'est vraiment pour les parents de la maison de naissance de Nicolette, de La Rivière. Et à l'origine, c'est aujourd'hui les mêmes objectifs, là, c'était de réunir les parents qui avaient fait un suivi de grossesse à la maison de naissance et pour leur permettre de rester impliqués après la naissance, puis en fait de créer une vie communautaire autour de, pas juste avoir un espace d'offre de services, là, de suivi de grossesse, mais aussi créer une vie sociale finalement. Et puis un autre objectif du comité qui est toujours actuel, c'est de... faire en fait la diffusion d'informations sur la pratique sage-femme, les services qu'offrent les sages-femmes pour les faire davantage connaître à la population là. Alors, j'imagine que vous avez aussi des rassemblements qui visent à vous faire voir votre expérience aussi, ou est-ce que ça arrive que vous avez par exemple des pique-niques, mais que c'est plutôt pour inviter des parents, d'autres parents ou d'autres futurs parents à connaître la maison de naissance? On est toujours en recrutement, en fait, là, parce que le comité n'est pas si nombreux que ça, mais on est toujours... puis je lance l'invitation aujourd'hui, là, s'il y a des gens qui veulent en faire partie, qui a eu un suivi de naissance là, en 2005, en 2006, là, ou tout récemment. Là. Alors, puis les gens s'impliquent, comme dans le comité Mimosa, à la mesure de leur temps. Là. Donc, on n'est pas... c'est pas un travail à temps plein, c'est bénévole, c'est quelques rencontres pour organiser des activités. Puis j'invite particulièrement les papas, en fait, parce qu'il n'y en a pas eu depuis le début. Alors, ça serait intéressant, oui, parce que c'est complètement une autre approche ou une autre dynamique qui apporterait au groupe. Alors, c'est ça, on prend toujours des gens, en fait, là, qui sont intéressés à s'impliquer puis à rester en contact avec la maison de naissance, là. Si on veut, en fait, s'impliquer dans ce comité parents-là, est-ce qu'il y a une adresse à laquelle on peut vous écrire? Oui, si vous avez des questions, si vous voulez vous impliquer, on a un courriel, c'est lesflots, L-E-S-F-L-O-T-S, comme pour enfants, à commercial@yahoo.ca. Peut-être qu'on pourra le mettre sur le site Internet après. Ou, oui. Alors, là-dessus, vous pouvez répondre à vos questions. Puis, pour je voulais juste parler des activités cette année, en fait, parce que la maison de naissance fête son 5e anniversaire cette année. Il y a eu cet été le pique-nique, comme je disais tantôt. Il va y avoir aussi la fête de Noël le 12 décembre. Alors, s'il y a des parents qui veulent venir, qui ont eu un suivi cette année à la maison de naissance, sont invités. Puis aussi, on travaille actuellement, on a un projet en cours. C'est un recueil des témoignages aussi. Alors, des gens qui ont eu un suivi de grossesse à la maison de naissance. Si on est toujours en train de le faire, alors on est encore ouvert aux témoignages. Là, si vous voulez raconter soit votre accouchement ou plus généralement comment ça s'est passé, votre expérience à la maison de naissance, que ce soit père, mère, enfant qui a vu une naissance, alors on prend à la maison de naissance de Nicolas. À la maison ou des gens qui sont nés, des gens qui ont eu un accouchement à domicile avec une sage-femme. De cette maison de naissance-là? Oui, okay. Oui, c'est ça. Alors, on prend toujours les témoignages s'il y a des gens qui sont intéressés. C'est une très bonne idée. On entend Antoine en arrière avec nous. Alors, combien êtes-vous finalement dans ce groupe en ce moment, dans ce comité de parents-là? Actuellement, on est 4 mamans et avec une responsable de la maison de naissance aussi qui fait le lien finalement avec l'équipe de sage-femme. Wow! Et combien de rencontres avez-vous habituellement en une année? C'est à peu près une fois par mois, les rencontres. OK. C'est très intéressant d'en apprendre plus sur les comités de parents. C'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement souvent. Est-ce que vous savez s'il y en a dans d'autres maisons de naissance? Oui, donc il y en a à Québec, le comité Mimosa. Je sais qu'il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a un, là, si je me trompe pas, à Mont-Joli. Et puis qu'il y en a... Je veux pas m'avancer, là, mais je pense qu'il y en a d'autres ailleurs, dans d'autres maisons de naissance. Qui sont les initiatives des parents qui ont accouché à la maison de naissance. Mm-hmm. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça me fait plaisir. Alors, nous allons en musique déjà avec le groupe Mosaïque. On va entendre La Vallée d'Ivoire. Je suis très contente de vous présenter ce groupe aujourd'hui parce que c'est un des groupes que j'ai moi-même été voir plusieurs fois. Ce groupe-là, c'est un groupe de Montréal. Le chanteur, c'est Jacques-Olivier Moffat. Il y a aussi 3 autres musiciens qui sont avec lui. C'est un groupe émergent francophone, purement québécois. On peut parler un peu comme style de musique de ska, si on veut, de ska francophone, quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Je vous invite à écouter cette musique et ils ont plusieurs spectacles à Montréal durant l'année. Donc, je vous invite à aller voir Mosaïque, ça s'écrit M-O-Z-A-I-Q. Vous êtes de retour à l'émission Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, on apprécie vos commentaires et vos questions par rapport à l'émission. L'adresse Connaître ensemble, alors c'est co-naître.ensemble@uqtr.ca. On attend de vos suggestions pour les émissions, aussi de vos commentaires, de vos critiques. On veut vous entendre, bref. Alors, nous sommes de retour avec Geneviève Lavallée et Marie-Pierre Boutin, Parquin Boutin, désolé. Alors, on va parler de l'importance du communautaire autour de la naissance. Mais d'abord, on aimerait savoir, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, le bénévolat? Outre aider les autres pour les autres, qu'est-ce que ça vous amène, qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan personnel de vous impliquer comme vous le faites? Je crois que moi, personnellement, ayant beaucoup reçu de d'autres personnes pendant ma grossesse, pendant mon accouchement, pendant mes allaitements, j'ai voulu transmettre ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question. Redonner ce que vous avez pu recevoir. Oui, et je crois que je vais peut-être donner à d'autres. Puis ces personnes-là donneront pas les mêmes choses à d'autres personnes, mais c'est, je pense que la terre tourne bien et tourneront parce qu'il y a du bénévolat dans tous les domaines, mais je crois que c'est encore plus important en périnatalité parce que on ne fait plus 10 ou 12 enfants, on en fait 1, 2, 3, 4, et puis on n'a pas 12 chances de se reprendre. Donc, c'est des êtres humains qu'on met au monde et c'est pour la vie. Donc, je crois que c'est très important qu'il y ait un lien communautaire qui se crée entre les personnes. Merci. Alors, on voudrait savoir, pour aller au cœur du sujet, quelle est l'importance du réseau communautaire en périnatalité? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des organismes, selon vous, comme le groupe maman, comme un comité de parents, qui sont là proches de l'expérience de la naissance? Qu'est-ce que ça apporte aux parents? Mais ça permet aux parents de se prendre en main eux-mêmes, de pas s'en remettre à un système qui leur dit ce qui est bon pour eux et comment faire. Donc, comme je disais tantôt dans la première partie, certaines femmes vont dire « moi, je serai jamais capable ». Puis du coup, d'entendre ou de lire d'autres témoignages qui disent que « moi non plus, j'étais pas capable, mais finalement, je l'ai fait », mais ça change tout. Alors, ça permet d'aller plus loin. Dans cette expérience-là. Est-ce qu'on, comment dire, au niveau des ressources, si on compare un accouchement qui se fait à l'hôpital, par exemple, ou un accouchement qui se ferait à une maison de naissance parce qu'il y a un comité de parents ou est-ce qu'il y a une maison de famille à côté, qu'est-ce qu'on peut voir? Comment est-ce que ça peut aider les parents dans leur recherche des meilleures ressources? Bien, en fait, ça met un réseau autour des gens qui passent par les maisons de naissance, en fait, parce que c'est une expérience pour plusieurs qui est très marquante. Et puis, ça crée donc un réseau. Il y a une continuité aussi. Les gens sont... c'est pas une prise en main, c'est pas une prise en charge, mais les gens savent qu'il y a une présence, là. Alors, s'il y a des questions, que ce soit pour l'information, que ce soit pour partager l'expérience, il y a des gens autour, là. Les gens sont pas laissés à eux-mêmes après avoir vécu leur accouchement, que ce soit le conjoint ou la femme comme telle, là. Donc, l'importance de l'aide aussi au postnatal? Oui, que ce soit pré ou postnatal, là. Et aussi, ensuite, après l'accouchement, après que le bébé a 1 an, 2 ans, est-ce que les gens vont rester proches de ce réseau-là en général? Ben, c'est très, très personnel. Moi, j'en connais plusieurs qui ne peuvent s'en détacher. Je suis de celle-là. Ça fait 12 ans. Ma fille a maintenant 11 ans, mon garçon 9 ans. J'aurais pu très bien délaisser le réseau communautaire puis dire laisser la place à d'autres. Mais je trouve toujours ça important de s'impliquer. Maintenant, plus que jamais, je pense que c'est ça. Il y a des femmes ou des hommes qui vont passer par l'accouchement naturel, la maison de naissance, l'allaitement. Ils vont faire leur petit bonhomme de chemin, puis après ça, ils vont continuer. Mais ils vont en parler un peu à d'autres, chez eux, dans leur entourage. Il y en a d'autres qui sentent le besoin que ce soit plus grand, de faire un mouvement plus grand. Puis je pense que c'est le cas des personnes qui s'impliquent dans des groupes différents, comme les comités de parents dans les maisons de naissance, comme dans le groupe maman, comme dans les groupes d'allaitement, d'entrain d'un allaitement. Est-ce que vous pensez que le soutien qui provient du communautaire lors de la grossesse et suite à l'accouchement peut avoir un impact sur l'éducation après, la façon du parent d'aller chercher des ressources après quand son enfant est plus vieux? Je crois que oui, parce que selon moi, plus tu deviens autonome, plus tu as le goût de l'être encore plus dans tous les sphères de ta vie. Alors, ça encourage les personnes à se prendre en main, comme je disais tantôt. Il n'y a pas d'autre mot, là. C'est tu n'acceptes plus nécessairement de te faire dire quoi faire et comment le faire pour tous les aspects de ta vie. Oui. Geneviève Lavallée, vous avez écrit un témoignage à la fois dans le livre « Près du cœur » et « Au cœur de la naissance ». Est-ce que vous seriez à l'aise de nous parler de chacun d'eux un peu, de votre premier témoignage? Oui, certainement. Dans « Au cœur de la naissance », j'avais soumis 2 témoignages. C'était un appel de texte. J'aurais très bien pu ne pas être retenue, mais j'ai été chanceuse. J'ai été retenue et très, très agréablement surprise. Donc, dans ce premier recueil, je raconte l'accouchement de mes 2 enfants. Qui ont été tous les deux tout à fait différents. Pour ma fille, ça a pris 19 heures, pour mon garçon, 4 heures et demie. Et wow. Puis, c'est ce que je pense que le livre offre pour toutes les femmes, les hommes, les grands-parents, les grands-mères, les grands-pères, les tantes, les nièces, les oncles et tous ceux qui le liront, c'est que ça offre un éventail d'accouchement. Il n'y a pas une seule façon de faire. Il y a autant de façons d'accoucher et de vivre sa grossesse qu'il y a de mère et de bébé. Et je crois que c'est important. Alors, comme je disais, mes deux témoignages ont été retenus et j'en étais très fière. Et puis ça, ce livre-là, il a été écrit en 2004, si je ne m'abuse. Et tandis que le livre Près du cœur, lui, est tout chaud, comme je disais tantôt, il est sorti, on a eu le lancement le 5 octobre dernier. Et encore une fois, parce que j'ai allaité mes enfants très longtemps. En fait, j'ai allaité 5 ans chacun des deux. Ce qui me fait 7 ans sans arrêt d'allaitement. Alors, j'ai voulu écrire ce témoignage-là pour montrer qu'il n'y avait pas une seule façon d'allaiter encore une fois, qu'on pouvait allaiter en étant enceinte, allaiter un bambin, allaiter deux enfants en même temps, en tandem, et par la suite poursuivre avec le dernier pendant les 2 dernières années. Donc, encore une fois, dans ce recueil-là, il y a de toutes sortes de témoignages, je l'ai pas lu encore parce qu'il est tout chaud. J'ai à peine commencé. Mais si je me fie avec Au cœur de la naissance, je suis certaine que les personnes qui ont décidé des textes ont choisi un peu de tout. Et c'est sûrement fort intéressant. Alors, je vous invite à le lire. Oui, les deux sont publiés aux éditions. Pour le deuxième livre, à la direction, il y a encore Lisanne Grégoire qui s'est impliquée à ce niveau-là. Et une nouvelle personne, Marianne Poussard, qui a aidé à recueillir les textes et à la préparation de ce beau livre. Effectivement, là, une belle image d'un enfant qui est au sein. L'allaitement, on peut en parler un peu parce que, d'ailleurs, vous en connaissez beaucoup sur l'allaitement. Est-ce qu'il y a assez de soutien pour l'allaitement autour de la naissance au Québec? Je crois qu'il n'y en aura jamais assez. Nous sommes nombreuses à faire du bénévolat dans différents groupes d'entraide, partout, un peu partout. Malheureusement, il y a encore des régions où il y en a très peu. Puis c'est pas parce qu'il existe des groupes que tous les parents savent que ces groupes existent. Donc, encore de nos jours, il y a beaucoup de mères qui n'auront pas vu une sœur, une mère ou une tante allaiter. Donc, le simple fait de voir quelqu'un qui allaite dédramatise souvent la situation. Mais on peut rappeler que, personnellement, pour l'avoir vu autour de moi, l'allaitement, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Je crois aussi qu'il y a une ligne téléphonique de la Ligue de la Laitée. Vous pouvez aller voir sur Internet une ligne ouverte à peu près tous les jours, dans le fond, pour répondre aux questions ponctuelles des parents pour l'allaitement. Si on parle des autres besoins des parents, est-ce que vous pensez que actuellement les groupes communautaires qui existent, comme les maisons des familles, les comités de parents, le groupe maman, couvrent l'ensemble des besoins des parents? C'est une bonne question. Je ne saurais répondre affirmativement. Je crois qu'il y a toujours place à l'amélioration. Je pense que s'il y a certaines personnes dans certaines régions qui n'ont pas réponse à leurs besoins, c'est aussi à elles à se manifester, à aller chercher les ressources, à demander qu'il y ait de tels groupes qui naissent dans leur coin. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de s'impliquer pour partir le mouvement. Est-ce que s'il y avait un nouveau organisme communautaire en lien avec justement les besoins des parents qui avaient à naître, à voir le jour, par exemple, à Trois-Rivières, à quoi ressemblerait-il? Quels besoins il pourrait aller couvrir? Parce que là, le groupe maman, est-ce que dans le groupe maman, vous impliquez pour l'allaitement ou c'est à l'extérieur? Le groupe maman soutient toute action qui prône le fait de promouvoir et de défendre le droit des femmes à la naissance dans l'environnement de leur choix, que la population soit informée, et les femmes en particulier, pour être autonomes dans leur vécu, qu'ils soient avant la naissance, pendant la naissance et après la naissance. On promouvoit la pratique au recours sage-femme parce qu'on dit que c'est beaucoup plus naturel et que ça aide dans toute la suite du processus. On promouvoit l'accouchement naturel, comme je le disais, l'allaitement maternel. Et elle se veut comme la porte-parole des mères et des pères, des familles, pour dire c'est important ce qu'on vit, il faut nous écouter, il faut nous respecter. Vous dites qu'elle promouvoit, dans le fond, ces actions-là, par exemple le soutien à l'allaitement. Mais est-ce que c'est à l'intérieur de ce groupe-là que vous offrez un soutien à l'allaitement? Personnellement, non. C'est dans un autre groupe qui s'appelle Allaitement Québec, qui se trouve dans la région de Québec. Alors, mais je sais qu'il existe aussi une concertation des groupes Entraide dans l'allaitement. Donc, il y a La Laitche, il y a Aidon Lait, Mamie Lait, Entraide Nature au Lait. Il y a différents groupes d'entraide en allaitement et c'est important d'aller chercher la ressource dont on a besoin parce que chacun de ces groupes-là offre des ressources différentes et c'est pour répondre aux besoins des mères, justement. Certaines mères ont besoin d'un suivi particulier de visite à domicile, d'autres ont besoin d'écoute téléphonique, d'autres ont besoin d'avoir une petite réponse par courriel. Alors, c'est différent d'un groupe à l'autre. Chaque groupe répond à sa façon. À un besoin, oui. Wow! Il y a eu récemment un manifeste déposé par le groupe Maman. On en a parlé la semaine passée comme actualité. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que ce manifeste et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce manifeste, tout d'abord? Le manifeste, encore une fois, promouvoit les intentions du groupe Maman et sa philosophie. Là. C'est afin de permettre aux femmes de vivre la grossesse comme étant un acte naturel et normal, ainsi que son accouchement. C'est pour expliquer au gouvernement, à tous les C3S de ce monde, que c'est important que les parents soient impliqués dans le processus de l'ouverture des différentes maisons de naissance et des maisons de naissance qui existent actuellement. C'est reconnaître que la maternité appartient aux parents et que ces parents doivent être présents dans tous les domaines, donc en prénatal, en postnatal, pendant la grossesse. Permettez-moi de me demander, est-ce que vous savez qu'est-ce qui a été à la source de ce manifeste? Parce que on sait que ces orientations-là d'aide des parents et tout ça ont déjà été apportées par d'autres groupes préalablement. Y a-t-il eu un événement qui a déclenché la préparation de ce manifeste? Mais je crois qu'il y en a plusieurs. Personnellement, si je peux vous parler de celui qui me préoccupe principalement et dont on fait mention dans le manifeste, c'est la situation que vit le comité de parents Mimosa, qui est à Saint-Romuald. Depuis que le C3S est en place, le comité de parents n'y a plus sa place. Alors, on nous a gentiment évincés, pour ne pas dire carrément mise à la porte. Donc, on ne peut plus y tenir nos réunions, on ne peut plus faire l'évaluation des services comme on faisait auparavant, parce que notre comité n'est pas inscrit dans la loi. Alors, on nous a demandé de soit nous conformer ou soit de quitter. Et comme nous avons refusé de nous conformer, nous avons dû quitter. Mais nous continuons malgré tout depuis 2 ans à nos actions. Et puis, pour souligner ça, en 2006, on a reçu le prix Aurore Bégin de l'Association pour la santé publique du Québec, qui reconnaissait que le comité de parents Mimosa avait une action directe et importante dans la communauté, et plus particulièrement à la maison de naissance Mimosa. Oui. Si, y a aussi une autre petite partie dont on a entendu parler pour le manifeste, comme quoi vous défendiez que les femmes puissent accoucher à la maison légalement, sans sage-femme. En fait, c'est ce que le manifeste appuie. Mais pour vous faire part un peu des craintes qu'on peut avoir au bac en pratique sage-femme, on en parlait récemment, on a eu une visite de la vice-présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec, ainsi que de Céline Aimé, qui est présidente du regroupement des sages-femmes du Québec. On en parlait justement parce qu'en fait, ça faisait peur aussi un peu, même à ceux qui sont très impliqués dans le milieu de la périnatalité, comme les sages-femmes, parce que c'est un acte qu'on réserve aux sages-femmes justement pour que les sages-femmes conservent leur place, que les sages-femmes est le privilège de pouvoir être celle qui accompagne les femmes et que en tant que professionnelle et que pour éviter que des gens s'improvisent comme aide à la naissance, à la maison, et prennent un peu la place que les sages-femmes essaient de conserver et de développer. Oui. Alors, je pense que c'est bien important de prendre conscience du poids de la demande aussi, à moins que vous... Ben moi, la seule chose que je pourrais dire, puis mes propos ne représentent que mon opinion à moi, là, je voudrais pas mettre personne dans le trouble, le groupe maman ou peu importe, c'est que je pense que si les services sages-femmes étaient disponibles partout et que les mères avaient plus accès facilement, il y en a pas encore partout des sages-femmes, il y en a pas encore partout des maisons de naissance, donc je crois qu'il y a aussi beaucoup de mères qui vont faire des accouchements à domicile seules avec leur conjoint ou avec de l'aide extérieure, avec une sage-femme non reconnue par la communauté, donc qui ne fait pas partie de l'ordre, parce qu'à quelque part, c'est pas leur choix, mais ils n'ont pas le choix. Êtes-vous d'accord que, dans le fond, la solution idéale serait d'avoir des sages-femmes à travers la province des maisons de naissance pour... C'est sûr, sauf que je pense pas que ça enrayerait complètement le phénomène non plus. Je pense qu'il y aura toujours eu des accouchements à domicile sans suivi, et il y en aura probablement toujours. Oui. Mais tant que les femmes n'auront pas le choix, pour avoir le choix, il faut qu'il y ait différentes possibilités qui s'offrent à elles, et c'est pas le cas présentement. Bien, merci beaucoup Geneviève Lavallée, merci beaucoup Marie-Pierre Paquin-Boutin. Alors, c'est déjà terminé, on va avec la chronique internationale et restez avec nous. Après ça, ce sera les actualités. Mais tout d'abord, je ne veux pas oublier de mentionner vos adresses Internet de nouveau. Alors, Geneviève? Oui, s'il vous plaît, j'aimerais mentionner allaitementquebec.org. Il y a le site du comité de parents Mimosa qui est mimosa.qc.ca. Il y a naissance-renaissance.qc.ca, laspq.org et le groupe maman.org. Merci. Et pour le comité de parents de la maison de naissance de Nicolette, c'est les flots, LESFLOTS, à commercial, yahoo.ca. Bien, merci beaucoup. Merci. Chronique internationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, à la Chronique internationale, on parle de stage. J'ai eu la chance de jaser avec Désirée Boudreau, qui est étudiante en quatrième année en pratique sage-femme ici à l'UQTR. Elle fait présentement son stage 4 en Polynésie française et je lui ai demandé quelles étaient ses premières impressions. On l'écoute. Ah ben c'est sûr, en arrivant ici, écoute, on descend de l'avion avec les escaliers qui touchent le sol, il y a des guitaristes qui jouent de la musique, on reçoit un bouclier de fleurs. C'est vraiment ce qu'on imagine ou ce qu'on peut penser de Tahiti, les belles fleurs, les tamis, les noix de coco. L'eau est bleue. On voit des poissons là, qui viennent quasiment jusqu'au bord. Des beaux poissons super tropicaux comme qu'on voit chez nous dans les aquariums. Les femmes sont belles, ils ont toujours des belles petites fleurs accrochées sur leurs oreilles. Les gens sont super accueillants, sont souriants. J'ai vraiment eu un super de bel accueil. Ils sont chaleureux. Il fait tout le temps chaud. Moi, je suis tout le temps en pareo, à moins que je vais à l'hôpital, là, je m'habille plus un peu plus propre. Là. Il fait trop chaud. Vous serez d'accord avec moi que ça a l'air tout à fait pénible. J'ai demandé à Désirée comment se passait le quotidien là-bas et si elle ne regrettait pas son choix. Oh mon Dieu, non, je regrette pas du tout mon choix. En fait, il y a comme un peu deux volets. Il y a le volet culturel et le volet stage. C'est sûr que le volet culturel, c'est super enrichissant. Ici, il y a beaucoup... c'est sûr que c'est majoritairement des Polynésiens. Il y a beaucoup de Français de la France qui sont ici aussi. Dans ceux qui sont polynésiens, on voit comme deux groupes de personnes, la moitié qui sont un peu plus, adhérents à tout ce qui est... La moitié qui sont comme des vrais autochtones, du monde qui tient encore beaucoup à la culture, bon, qui font beaucoup de rituels. Ça, c'est surtout les gens qui habitent encore dans les îles, autour de l'île de Tahiti. Mm-hmm. Ceux qui sont sur l'île de Tahiti ont un peu pris le pouls des Français ou de la vie en Occident. Je prends beaucoup le pouls un peu de ça aussi. J'essaie d'apprendre beaucoup, surtout de ceux qui gardent encore la culture intacte dans leur quotidien. J'ai demandé à Désirée si elle n'aurait pas quelques conseils pour celles qui songeraient à aller aussi faire un stage en Polynésie française ou à Tahiti. On l'écoute. Je trouve ça super intéressant pour elles qui viennent ici. Là que moi, je connais un peu comment ça marche ici, je pense que je leur conseillerais peut-être d'aller sur l'île voisine de Tahiti qui s'appelle Moorea. Il y a un autre centre hospitalier qui est là, qui semble peut-être un peu moins médicalisé, peut-être quelque chose qui se rattache ou qui est plus proche de la pratique au Québec. Mm. Je pourrais peut-être conseiller aussi de faire une partie du stage avec des sages-femmes libérales, comme elles font des suivis de grossesse normales. Ils touchent un peu le pathologique aussi. Mm. Ils font aussi des visites à domicile. Et puis tout ce qui est accouchement et tout, mais là, ça, cette partie-là pourrait se faire à l'hôpital. Et voilà des informations qui seront sans doute bien utiles à quelques étudiantes. Pour celles qui se diraient, c'est bien beau tout ça, mais comment ça se passe le quotidien en stage à Tahiti? On va entendre parler de tout ça la semaine prochaine. En attendant, on se laisse sur un petit mot de Désirée pour les filles de sa cohorte. Je les adore, je pense à vous. J'ai hâte de terminer l'année avec vous. J'espère que pour toutes les filles, les stages se passent bien, que vous avez des beaux apprentissages. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver et partager tout ce qu'on a appris. Je vous aime beaucoup, les filles. Lâchez pas. Chronique internationale. En actualité, alors on parle un peu de la maison de naissance des Laurentides. La maison de naissance des Laurentides, en fait de Blainville, qui porte le nom de la maison de naissance du Boisé, est ouverte depuis février 2017. Elle a 6 sages-femmes en son sein. Elle offre des consultations à domicile.